François Morel, vous êtes ce matin en duplex de Rennes. C'est à vous, François. Exactement. Ici, en Bretagne, le pénis très étroit de Patrick Poivre d'Arvor, les gifles qui se perdent, même la guerre en Ukraine, ne suscite qu'un intérêt secondaire. Car ce qui occupe la plupart des conversations à Douarnenez, aussi bien sur le marché aux Halles que sur le port de plaisance de Tréboule, ce sont les rorquals qui viennent étrangement s'échouer sur les plages du Finistère. Un rorqual, ça ne passe pas inaperçu. Après la baleine bleue, c'est quand même le deuxième plus grand mammifère vivant. 40 à 50 tonnes tout mouillées. Début septembre, c'était sur l'île de Sein. Une baleine d'une vingtaine de mètres retrouvée morte, loin des siens, abandonnée, solitaire, isolée. 8 jours plus tard, à Tréguennec, un rorqual d'une quinzaine de mètres échoue et suscite la consternation attristée chez les promeneurs du bord de mer. Cette semaine encore, lundi dernier, un rorqual commun d'une douzaine de mètres apparaît vivant sur la plage de Tianquer, à Ploévin. On dit l'animal mourant, on s'inquiète. On lui vient en aide. On l'achemine vers le large. Les sauveteurs se réjouissent, crient au miracle. Il a mis toute son énergie pour repartir avec notre aide. Il y est arrivé. C'était magnifique. Seulement le lendemain matin, comme si de rien n'était, le rorqual à nouveau est localisé devant la plage du Ry à Douarnenez. Les pompiers, le parc naturel marin d'Iroise, l'ONG Sea Shepherd, tout le monde, encore une fois, se mobilise pour sauver le soldat rorqual, le renvoyer vers l'océan. Échec encore. Le mercredi matin, la baleine avait fait demi-tour pour se retrouver encore et encore devant la plage du Ry. Cette fois-ci, la gendarmerie maritime décide de prendre les choses en main afin de guider le rorqual vers le large. Mais comme le matou de Steve Waring, le rorqual revient le jour suivant. Le rorqual revient. Il est toujours vivant. Mais vivant jusqu'à quand? Les autorités ont interdit de s'approcher à moins de 100 mètres de l'animal. Pourquoi les baleines viennent-elles s'échouer sur les plages du Finistère? Qu'est-ce qui les attire? On n'en sait rien. Que viennent faire les rorquals dans la baie d'Audierne? Manger de la sardine? Profiter du soleil breton réputé parcimonieux? Faire une thalasso? Se rapprocher d'un sonneur de bombarde? On ne sait pas. On ne sait rien. On s'interroge. On sait juste que les échouages de cétacés étaient exceptionnels jusqu'à la fin des années 1990. On remarque qu'à partir de l'an 2000, les échouages se multiplient, signalisés pour près de 40% sur les côtes de Bretagne et principalement dans le Finistère. Souvent, les informations suscitent des débats, des controverses, des prises de position. Mais là, on ne peut même pas polémiquer puisqu'on ne sait pas. On ne sait rien. Les rorquals s'échouent. Et c'est un mystère. Les baleines prennent l'habitude de rejoindre les côtes où elles ne pourront survivre. L'échouage des rorquals est peut-être une métaphore, mais on ne sait pas de quoi. Merci à vous François Morel. Je signale que vous serez ce soir à Saint-Georges-des-Groseilliers. C'est absolument dans le département de l'Orne, sur la scène de l'Albatros, que vous connaissez bien puisque c'est là-bas que vous avez débuté. Un retour aux sources en quelque sorte. Merci à vous François. France Inter.